Bonjour. Il n'est plus à prouver que le corps et l'esprit sont parfaitement interconnectés. Le corps et ses sensations agissent sur l'esprit, mais bien plus souvent, l'esprit et ses pensées ou ses émotions agissent sur le corps. Ainsi, nous avons tous la possibilité et les moyens d'agir sur notre corps grâce à notre esprit. Cette méditation va vous aider à canaliser vos douleurs en réduisant leur intensité. Installez-vous confortablement. Bougez légèrement de droite à gauche et d'avant en arrière pour trouver votre position ou allongez-vous simplement en prenant soin de vous couvrir pour ne pas avoir froid lors de cette méditation. Fermez les yeux pour retrouver votre espace intérieur et connectez-vous à votre souffle. Laissez-le suivre son rythme naturel, sans essayer de le modifier ou de le contrôler. Observez simplement son parcours et le bercement qu'il provoque en vous. Votre respiration est votre allié. En vous accrochant à elle, vous restez connecté à votre corps. Elle agit comme une encre et permet à votre esprit de ne pas vagabonder. Inspirez jusqu'au bout de l'inspire. Expirez jusqu'au bout de l'expire. Si la douleur que vous ressentez est trop forte, accrochez-vous à votre souffle et focalisez votre attention sur son va-et-vient. Prenez conscience de votre corps confortablement installé et lorsque vous vous sentirez prêt, laissons couler sur vous une vague de détente. La vague commence par le sommet de la tête. Sentez votre cuir chevelu se détendre, se relâcher, votre front se lisser. Toutes les petites rides d'expression s'estompent. Les sourcils se défroncent. L'espace entre vos sourcils s'agrandit. Vos paupières s'alourdissent et vos yeux se relâchent. La vague coule sur vos tempes, sur vos pommettes, sur les ailes de votre nez. Vos joues se relâchent et la mâchoire se desserre. Votre gorge se détend. Laissez désormais la vague de détente envahir votre nuque. Vos épaules s'abaissent naturellement et la détente se diffuse progressivement dans vos bras. Et dans vos mains. Tous les muscles de votre colonne vertébrale se détendent du haut jusqu'en bas. Vous prenez conscience à présent que votre dos est détendu et relâché. Observez les mouvements de votre cage thoracique. Sentez vos côtes s'ouvrir à chaque inspiration et descendre à chaque expiration. Percevez les battements calmes et réguliers de votre cœur. Sentez votre ventre se relâcher. Se dénouer. Observez les mouvements de votre abdomen et imaginez que vos organes reprennent leur place. Sentez votre ventre se soulever à chaque inspiration et redescendre à chaque expiration. Vous pouvez désormais percevoir ces mouvements calmes et réguliers. La détente se diffuse dans votre bassin. Vos hanches se relâchent ainsi que vos muscles fessiers. Et la vague poursuit son chemin et envahit progressivement vos jambes. Vous relâchez les muscles de vos cuisses et de vos mollets. Votre corps se relâche davantage et vous prenez conscience du calme qui s'est installé en vous. Si malgré la détente de votre corps, la douleur persiste, focalisez votre attention sur la zone concernée. Ne craignez pas que celle-ci augmente en l'observant. L'espace d'un instant, autorisez à cette douleur d'être présente, sans chercher à la balayer, à la minimiser ou à la transformer. Donnez-lui l'espace nécessaire pour s'exprimer et acceptez de ressentir ses sensations. Sont-elles constantes ou fluctuantes? Quelle note donnez-vous à cette douleur sur une échelle de 1 à 10? Quel message se cache derrière ces sensations? Quelles émotions suscitent-elles chez vous? Pour atténuer ce point douloureux, nous allons dans un premier temps utiliser votre respiration. Ouvrez votre conscience à votre souffle. Observez son va-et-vient et prenez le temps de respirer profondément. Lorsque vous serez prêt, vous allez imaginer que vous respirez dans la zone qui vous fait souffrir. À chaque expiration, visualisez votre souffle poussant votre douleur vers l'extérieur de votre corps. Pour augmenter sa force, imaginez que votre souffle se teinte d'une couleur verte qui symbolise la guérison. Respirez toujours profondément dans votre douleur. Sentez comme progressivement elle s'éloigne de vous. La douleur peut persister et laisser une trace. Nous allons désormais faire baisser son intensité comme nous baisserions le volume d'une radio. Visualisez un bouton vous permettant de régler l'intensité de votre douleur. Sur 10, la douleur est à son paroxysme. Sur 0, la douleur est quasi inexistante. Visualisez sur quelle graduation est votre douleur actuellement. Sur la prochaine respiration, vous allez baisser l'intensité de votre douleur d'un cran. Imaginez-vous tourner le bouton comme pour baisser le volume. Respirez toujours tranquillement. À la respiration suivante, vous descendez l'intensité d'un cran de plus. Vous la sentez déjà descendre progressivement. La douleur diminue. vous descendez encore d'un cran à la prochaine respiration. La douleur prend de moins en moins de place en vous. Chaque respiration vous permet de baisser le volume de la douleur. Un peu plus encore. Et encore. La douleur est toujours là, mais vous ne l'entendez presque plus. Et vous continuez à tourner votre variateur. Enfin, la douleur est en sourdine. Vous pouvez alors être pleinement conscient de la sensation de sérénité que la vague de détente a déposée sur vous. Profitez pleinement de ce moment de plénitude. Vous êtes dans l'instant présent, libéré de toute contrainte physique. Lorsque la cloche retentira, prenez tout votre temps pour revenir ici et maintenant dans cette pièce. N'oubliez pas de vous remercier pour ce paisible moment que vous êtes accordé et pensez que vous avez désormais la possibilité d'accéder à votre variateur pour atténuer vos douleurs physiques. À bientôt.